Chapitre 29e. Depuis longtemps, Morton se disait que son premier devoir dans la vie était de venger la mort de son père. Aussi, malgré l'amour que lui inspirait Dulcie, il ne put s'empêcher d'éprouver tout d'abord une sorte de soulagement, lorsque ce Reverhard prit l'initiative de rompre un lien que lui n'aurait jamais eu la force de briser. Mais il n'avait pas prévu au premier moment ce qu'il lui en coûterait pour sacrifier ainsi son amour à son devoir. Pendant plusieurs semaines après son entrevue avec Lucy Green, il chercha tous les prétextes possibles pour s'isoler du reste de sa famille. Le jour où il se renfermait dans son cabinet, pour échapper aux causeries oiseuses de ses sœurs, n'ayant voulu mettre personne dans son secret, la rupture de son mariage était restée un mystère pour tous. Sans doute, la tante Dora n'avait pas été sans remarquer que depuis longtemps le courrier ne contenait plus de lettres de Dulcie, et que son neveu n'en expédiait plus à l'étranger. Mais après avoir essayé en vain de mettre Morton sur la voie des aveux, elle n'eut garde de revenir à la charge. La violence que se faisait Morton pour refouler au fond de son cœur tous ses chagrins finit par le rendre névrosiaque. Il perdit d'abord l'appétit, ensuite le sommeil. La fièvre survint, puis le délire. Miss Blake, fort alarmée de l'état de son neveu, demanda au docteur Jebb de s'adjoindre des célébrités de Londres. Il y consentit très volontiers. Le prince de la science, appelé à Tingley, se borna à confirmer le traitement prescrit par son confrère, recommandant surtout de ne jamais laisser le patient seul. Dans le cabinet de travail étaient rangés tous les médicaments, de façon à en épargner la vue au malade. La tante Dora et une brave femme qui avait élevé Morton Blake se tenaient là en permanence. Elizabeth Hardman, dont on avait déjà maintes fois expérimenté le dévouement comme garde-malade, était assise près d'une fenêtre, non loin de Morton, qui divaguait tantôt sur les élections, tantôt sur le jugement de Humphrey Vargas, tantôt sur Sir Everard, tantôt sur Dulcie. Cet état de faiblesse extrême, de surexcitation fébrile et d'insomnie, se prolongea pendant des semaines. Miss Blake proposa de prendre une garde étrangère, mais Elizabeth Hardman s'éleva avec tant de chaleur contre ce projet qu'elle obtint gain de cause. Force d'ailleurs était de reconnaître que le malade semblait toujours plus calme quand elle était près de lui. Mais ses forces n'en diminuaient pas moins de jour en jour, et aussi l'espoir que le médecin avait mis dans la jeunesse et dans la bonne constitution de Morton. Un soir, vers la fin d'avril, M. Jebb ne dissimula pas que son inquiétude était grande. Aux questions réitérées de Lizzie, il avait fini par répondre que s'il ne se produisait pas une prochaine amélioration, un dénouement fatal était à craindre. « En tout cas, ajouta-t-il, si la médecine est absolument impuissante à le sauver, la Providence peut tout. » Que faire, mon Dieu, que faire ? Se dit la pauvre Lizzie, dès qu'elle fut seule dans la chambre de Morton, en contemplant son visage éburnéen, ses yeux hagards, ses joues creusées par la fièvre persistante qui l'emportait. Mon Dieu, inspirez-moi. En disant ces mots, elle s'agenouilla au pied du lit du malade et resta quelque temps plongée dans le silence. Prenant ensuite doucement la main de Morton, elle lui demanda s'il ne désirait pas voir Dulcie. Ce nom fit sur Morton l'effet d'une véritable commotion électrique. « Dulcie, répéta-t-il en attachant ses grands yeux brillants sur ceux de Lizzie. « Pourquoi me tromper? Je ne suis pas fou. Dulcie, je le sais, est en Algérie. »« Non, mon ami. Elle est à Fairview. Et elle peut être ici dans quelques heures, si vous le souhaitez. »« Elle ne voudra peut-être pas venir. Nous sommes séparés à jamais. Un obstacle dirimant s'oppose à notre union. » Lizzie, pensant que le délire s'emparait de nouveau du pauvre patient, essaya de le calmer. « Elle viendra, soyez-en sûre, dit-elle, dès qu'elle vous sera malade. Un nuage a pu s'élever entre vous, mais les querelles entre fiancés ne sont jamais de longue durée. »« Lizzie, il y a dans la vie autre chose que l'amour, » reprit Morton d'un air sombre. Puis il ajouta, « Est-elle revenue ? De grâce, ne me trompez pas. »« Vous pouvez m'en croire sur parole ? Alors oui, je serai heureux de revoir son doux visage, de lui presser la main. »« Ah, beau rêve envolé » s'écria-t-il, en laissant tomber sa tête sur son oreiller. Au bout de quelques instants, il dormait avec calme, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des semaines, nonobstant toutes les potions opiacées prescrites par le docteur Jebb et son habile confrère.